sur la plaine humide, les ombres dansent, silhouettes timides, riders qui avancent, silhouettes résolues. Chaque pas compte, le jour est venu. Les ronces barrent le chemin usé, mais le courage ne s'est jamais brisé. Sous les cieux gris, l'horde s'éveille, le combat sourd, la rage vermeille. Les hommes serrent les poings, serrent les rangs, face à l'orage toujours vaillant. Les prières m'ont douce et claire, sous la rosée, la foi est claire. Riders qui veillent, sentinelles fidèles, protègent la vie, déjouent les querelles. La fraternité danse au rythme du vent, chantant l'espoir malgré le temps. Sentinelles du bâtissons un futur d'amour. Le sol tremble, tonnerre gronde, la bataille éclate, la peur succombe, les ennemis ploient sous nos cris forts. Le courage guide, efface les torts. Riders qui hurlent, guerriers dans la nuit, face au danger, il tient son bruit. Les blessures saignent, mais on tient bon. Chaque larme forge notre chanson. La solidarité éclaire nos pas, unis pour toujours, envers et contre toi. La brume s'efface, le feu crépite, nos âmes chantent, la guerre s'illumine. Un vent chaud souffle sur la vallée, le cœur s'embrase, prêt à lutter. Riders qui lèvent l'épée haute vers la victoire, la route s'ouvre. Mais sabot frappe, le pas résonne. La force résonne. Riders qu'il mène, regarde feu. Chaque bataille révèle les vœux. Dans l'écho, la lumière danse. Sur cette terre, notre puissance. Il sourit, prêt à frapper. Dans la forêt, rien ne peut plier. Une torche brûle, un cri s'élève. La troupe s'unit, rien ne la soulève. Sous les cieux, la guerre est sainte. Chaque pas grave, notre plainte. la brume s'efface, mais la lutte vit dans chaque espace. Riders qu'il part droit et fier, car dans